13-25. Observation, discrimination. Celui, ce. Ce plus non. Tu préfères ce foulard? Celui-ci, pronom. Tu préfères celui-ci? Remarquez que ce, cette, cette, c'est, est utilisé comme un nom. Ce fonctionne comme un article ou un adjectif. Remarquez que celui-ci, celle-ci, ceci, celle-ci, est utilisé sans nom. Celui-ci remplace un nom. Celui-ci fonctionne donc comme un pronom.